1 Timothée chapitre 2. J'exhorte donc qu'avant toute chose on fasse des requêtes, des prières, des supplications, et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir, Jésus-Christ homme, qui s'est donné soi-même en rançon pour tous, témoignage qui a été rendu en son temps. C'est dans cette vue que j'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, et docteur des gentils en la foi, et en la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant leurs mains pures, sans colère, et sans dispute. Que les femmes aussi se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non point avec des tresses, ni avec de l'or, ni des perles, ni des habillements somptueux, mais qu'elles soient ornées de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. Car je ne permets point à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur le mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et puis Ève. Et ce n'a point été Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite, a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants au monde, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité, et dans la sanctification, avec modestie.